Paul VI condamne la pilule. Le Sénat américain vote une loi sur les droits civiques des Noirs. Christine Caron, à 16 ans, bat le record du monde du 100 mètres d'eau. Nous sommes en juin 1964 et Manfred Mann propose son Dou Wadidi Didi que notre Sheila National reprendra sous le titre « Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais ». On ne vous a pas oublié, salut les 60, ravi de vous retrouver sur Radio Guémozo. There she was, just walking down the street singing. Tapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good, she looked fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Natural as can be a singer. We walk on, walk on to my door, my door. We walk on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Nearly every single day singing. Do-wop-diddy-diddy-dum-diddy-do. We're so happy and that's how we're gonna stay singing. Do-wop-diddy-diddy-dum-diddy-do. Well, I'm hurt, I'm hurt. She's mine, she's mine. I'm hurt, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Together nearly every single day singing. Do-wop-diddy-diddy-dum-diddy-do. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing. Do-wop-diddy-diddy-dum-diddy-do. Well, I'm hurt, I'm hurt. She's mine, she's mine. I'm hurt, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa. Let me.

1967. Le cinéma fait ses premiers pas à bord des Boeing d'Air France. Jean Marais et Louis de Funès sont repartis de plus belle dans Fantomas contre Scotland Yard. Les Rolling Stones donnent un concert à Varsovie. Et David Niven joue dans Casino Royale. À Montréal, lors de l'exposition universelle, Buckminster Fuller dévoile son dôme géodésique. Léontine, c'est la cuisine. Elf intrigue avec ses ronds rouges. S'occupe du téléphone. La carte bleue se glisse dans les portefeuilles. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne. Arabal provoque. Et le Kaway protège. En toute saison, pour la pluie, Kaway. Toujours plus fort, le café, Nescafé, est lyophilisé. JJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber, lance le numéro 1 de l'expansion. Et au cœur de Paris, la gare Montparnasse, qui n'est plus qu'une carcasse, se refait une beauté. Oh, I wish it could happen to me, and I'm asking the stars up above, won't you find me a boy, just a nice looking boy, who will show me the way, who will teach me to say, I love you, yes I do, and who promise me too, that it'll always be true, so that I'll never be blue. Just wish for a gentle boy, someone who's sweet and kind. Just a nice sentimental boy, that's all that I'm really longing to find. So many friends that I happen to see have been telling me all about love. François Hardy, Find Me a Boy, c'était, et vous l'aviez reconnu, la version anglaise de Tous les garçons et les filles. Une version assez rare et difficile à trouver en tant que 45 tours d'origine. Les pirates, je bois du lait, et c'est à venir sur RGM. Les pirates de Danny Hogan travaillèrent longtemps cette histoire de lait. Mes thèmes lactés mis à part, la chanson de Boulbien, et comme les auditeurs à l'époque se foutaient pas mal de ce que les paroles pouvaient bien raconter, pourvu que ça rock, et croyez-moi, ça rockait dur sur ce titre des pirates. Comme me dit quand il fait soleil ou bien la pluie, ne change pas mon humeur, la joie est dans mon cœur. Et si je peux prétendre conserver la forme que j'ai, c'est que je bois du lait. Oh, sache qu'un peu les copains qui ne comprennent pas, oh, ils boivent du whisky, de la bière ou du coca. Évidemment, ça choque un gars qui chante du rock. Et puis, tu bois du lait. Comme moi, buvez du lait. Oh, comme moi, buvez du lait. Oh, comme moi, buvez du lait. Après nos records, bon chic, bon genre, il ne vous reste plus qu'à faire comme eux, à boire un grand verre de lait, et vous pouvez en abuser, c'est pas dangereux du tout. Prends ta guitare, chante avec moi, une invitation signée Michel Fugain sur Radio Gémozo. Quelquefois l'ami, comme toi, je suis triste. Et pour oublier, je connais un moyen. Et c'est le toujours, tu verras. Prends ta guitare, chante avec moi. Joue fort et longtemps, chante avec moi. Ne t'arrête pas. Prends ta guitare, chante avec moi. Joue fort et longtemps. Chante avec moi, ne t'arrête pas. Et tout comme toi, maintenant, ça va mieux. Mais n'en restons pas là, continue. Prends ta guitare, chante avec moi. Joue fort et longtemps, chante avec moi. Ne t'arrête pas. Prends ta guitare, chante avec moi. Joue fort et longtemps, chante avec moi. Ne t'arrête pas. Prends ta guitare, chante avec moi. Joue fort et longtemps, chante avec moi. Ne t'arrête pas. Michel Fugain, prends ta guitare, chante avec moi. Nous étions dans l'année 1967 et nous y resterons avec France Gall, Tini Winnie Bopi. Salut les 60, souvenir sur Radio Guémozo. Les Lionceaux, la nuit n'en finit plus. Opposé pour ce premier match aux Needles and Pins des Chasers. Adaptation ou version originale sur Radio Guémozo, c'est à vous de choisir. Et pour vous aider dans ce choix, sachez que seul le titre de Chasers figurera dans les hit-parades de l'époque. Face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away. But still they began the needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Hey, I thought I was smart, didn't think I'd do, but now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead, and one day she will see just how to say please and get down on her knees. Hey, that's how it begins. She'd feel those needles and pins, a headman, a headman. Why can't I stop and tell myself I'm wrong so long? Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face, it was a face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away. But still they begin, needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Oh, needles and pins, needles and pins, needles and pins. Les Lionceaux ou les Thatcher, vous avez fait votre choix, et bien c'est parfait. Elvis Presley, Undyg, la légende en musique sur Radio Guémozo. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time.

silence, c'est à toi que je pense, à toi qui ce soir est si loin de moi. Je pense à la joie d'être dans tes bras, mais pourquoi n'es-tu pas là? Au cœur du silence, dans la nuit qui s'avance, je reste éveillé en rêvant de toi. Je vois ton visage tout près de moi, mais pourquoi n'es-tu pas là? Déjà, c'est clair, à quoi de ciel? J'ai pleuré, j'ai tant d'amour à te donner. Au cœur du silence, c'est à toi que je pense, à toi qui demain sera près de moi. Mais Dieu, que c'est long tout un jour sans toi. Pourquoi n'es-tu pas là? Il est 18e, Lucky Blondeau au cœur du silence. Sa chance, il l'a eue, il a su la saisir. Richard Anthony, 13e du hit parade d'avril 1963 avec Donne-moi ma chance. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore, quoi que tu penses. Que c'est trop tard, que tu n'as plus pour moi un seul regard. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore. Pardon, ton silence, tu parais la plus forte, mais tu sais bien. Les bras en croix, un titre de Johnny Hallyday qui ne va pas tarder à décrocher la première place. Mais en ce mois d'avril 1963, notre idole des jeunes rentre avec ce futur tube à la 7e place du hit parade. «

as usual. Each evening I take a walk as usual. I make believe that we still talk as usual. People always stop and stay. I guess they just don't see you there. Don't they know you'll always be right here as usual? Today I looked into my mirror as usual. I told myself that you're still here, as usual. And as I stood there telling lies, the tears began to fill my eyes. 'Cause I know I'm only fooling myself, as Dali à Zuzuol. Désolé de vous apprendre une mauvaise nouvelle. Le 15 décembre 1966, Mickey, Donald, Pluto, Bambi et bien d'autres personnages sont orphelins. Walt Disney, de son vrai nom Walter Elias, dessinateur et cinéaste américain, est décédé. Il avait 65 ans. Et là-haut, tout là-haut dans le ciel, en cette année 66, le bon Dieu s'énervait. Le pourquoi de la chose, Hugo Frey nous l'explique en chanson. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier. Ça fait 3 ans que j'ai planté cet arbre et j'ai beau l'arroser à longueur de journée, pousse encore moins vite que ma barbe. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier sur ce maudit potet. 10 ans j'ai travaillé, je n'arrive pas à le faire avancer, ni encore moins à le faire reculer. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long. S'énervait dans son atelier en regardant Adam marcher à 4 pattes. Et pourtant, nom d'une pipe, j'avais tout calculé. Oui, pour qu'il marche sur ses 2 pieds. Pour faire un homme, oh Dieu que c'est long. Pour faire un homme, oh Dieu que c'est long. Pour faire un homme, oh Dieu que c'est long. Pour faire un homme, mon Dieu que c'est long. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier en regardant le monde qu'il avait fabriqué. Ces gens se battent comme des chiffonniers et je ne peux plus dormir en paix. Pour faire un monde, pour faire un monde, oh Dieu que c'est long. Pour faire un monde, pour faire un monde, oh Dieu que c'est long. Pour faire un monde, pour faire un monde, oh Dieu que c'est long. Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. Merci de nous accompagner, Claude François Badioli, East Toulette. C'est à venir sur Radio Guémozo. It's too late, she's gone. It's too late, my baby's gone. wish I had told her she was my only one. But it's too late, she's gone. It's a weak man that cries. So I guess I'd best dry my eyes. Guess I will miss her more than anyone. But it's too late, she's gone. She's gone. She's gone. Does she know when she left me it hurt me so? I need your loving, please don't make me weep and tell me it's not too late. Don't make me weep and tell me it's not too late. Not too late. Je suis allé aux fraises, je suis revenu de Pontoise. J'ai filé à l'anglaise avec une tonkinoise. Si j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers. J'ai même roulé carrosse et j'ai roulé les ailes. Et je dis non, mais non, mais non. Oui, je dis non, je dis non, je dis non, je dis non, je dis non. À tout ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas. Un clair de lune à Maubeuge. Ça ne vaut pas. Oh, tout ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas. Le doux soleil de Tourcoing. Tout ça ne vaut pas. Ah, tout ça ne vaut pas. Tout ça ne vaut pas. Une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas. Oh, tout ça ne vaut pas. Tout ça ne vaut pas. Bon matin pour vos canards. Saga Bélicette. J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer. J'en ai fait à ma guise et aussi à Cambrai. Je connais toutes les mers, la mer Rouge, la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer d'Elvis Presley. Et je dis non, non, non, non, non. Oui, je dis non, je dis non, je dis non, je dis non, je dis non. Tout ça ne vaut pas. Ça vous surprend? Eh bien oui, mes petits loups, Claude François a bel et bien enregistré le clair de lune à Maubeuge. Et c'était en 1962. Sur Radio Guémozo, la légende s'écoute en deux versions avec El Tem. C'est pour la version française, Jackie Molière, que nous allons retrouver. El Tem, yeah, yeah, yeah. El Tem, yeah, yeah, yeah. El Tem, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, avoir perdu son amour à jamais. Hier moi je l'ai vu

homes around you, there are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, downtown. Tu l'as clair que Danton, un voyage dans le temps, c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons revenir en 1961 et en cette année 1961, eh bien, ils avaient le son. Ils, ce sont les Chaussettes Noires. Cherry, oh Cherry. Cherry, oh oh Cherry. Cherry, oh Cherry. Souris-moi, je t'en prie. Mon ciel est bleu quand tu souris. Je vois au fond de ton sourire des paysages merveilleux. Tout le bonheur que je désire, je le vois danser dans tes yeux. Chérie, donne-moi ton sourire si tu veux bien me rendre heureux. Chérie, oh oh chérie. Chérie, oh chérie. Souris-moi, je t'en prie. Mon ciel est bleu quand tu souris. Si ton cœur le désire, si nos chemins sont différents, il ne faudra pas me l'écrire. Je te demande simplement de le dire avec ton sourire, de t'en aller en souriant. Chérie, oh oh chérie. Chérie, oh chérie. Souris-moi, je t'en prie. Mon ciel est bleu quand tu souris. Je sais très bien que le temps passe. Sais-tu, chérie, que rien ne lasse. Car près de toi, je veux rester. Tant que nos cœurs voudront s'aimer. Cet amour, je veux le garder. Chérie, oh oh chérie. Chérie, oh chérie. Souris-moi, je t'en prie. Mon ciel est bleu, quand tu souris. Tout comme Jerry Lee Lewis, il s'accompagne au piano. Frankie Jordan sur Radio Gémozo, dites-moi les filles. Dites-moi les filles. Voilà. Franklin, vous serez gentil. Oh bien sûr Franklin, en me répondant. Oh ça oui Franklin, mais très franchement. Tiens mardi Franklin, à une seule question, vous aimez-vous flirter? Oh là là ça y est. Alors toi les filles, voilà Franklin, on ne joue plus au bille. Oh bien sûr Franklin, quand on a 16 ans. Oh ça oui Franklin, ça n'est plus marrant. Tiens mardi Franklin, alors répondez, aimez-vous flirter? C'est très compliqué. Oh, si je ressemblais, oui, à Elvis Presley. Oh, alors ça vous plaît? Oui, et qu'on se trouverait, tout seul dans un pré. Est-ce que ça irait? Dites-moi les filles. Voilà Franklin, déjà vos yeux brillent. Bien sûr Franklin, en pensant qu'un jour, oh ça oui Franklin, vous verrez l'amour. Tiens mardi Franklin, mais en attendant, vous avez le temps. Sois donc plus galant, croyez-moi les filles. Voilà Franklin, vous serez gentil. Oh bien sûr Franklin, en jouant simplement. Oh ça oui Franklin, à papa et maman. Tiens mardi Franklin, alors retournez vite à vos poupées. Oh là là ça y est, c'est très compliqué. Voilà Franklin, soyez donc gentil. Bien sûr Franklin, alors dites-moi. Oh ça oui Franklin, oh c'est compliqué. Tiens mardi Franklin, alors répondez, aimez-vous flirter? Oh là là ça y est, oh que c'est compliqué. Voilà Franklin, soyez donc gentil. Dans quelques minutes, les Charlots seront les invités de notre coin du spécialiste. Mais avant de retrouver le groupe humoristique des années 60, nous aurons un autre groupe anglais. Celui-là, nous aurons les Rolling Stones. Well, baby used to stay out all night long. Because I used to love her, but it's all over now. Sur Radio Gémozo, les bons moments ont toujours une musique. Gérard Rinaldi, Louis Régaud, Jean Sarrus, Jean-Guy Fechner et Gérard Filippelli, les Charlots ne sont à l'origine que les problèmes musiciens d'Antoine et rêvent de devenir les Beatles français. Parti d'un gag, je dis ce que je pense, je fais ce que je veux, devient l'un des tubes de l'année 67. La voie est toute tracée, la révolte remisée au placard. Devenu les Charlots, le quintet détourne allègrement les classiques de tout genre et les transforme en autant de succès. Parfois aussi, les Charlots font eux-mêmes leurs morceaux. Le public en redemande pour preuve leurs 3 semaines à l'Olympia en 1972. C'est le moment que choisit Louis Régaud pour quitter le navire et passer à autre chose. Entre-temps, le cinéma s'est emparé du phénomène Charlot. Il y aura d'abord La Grande Java, puis Les Bidas en folie et quelques autres films. Fin 1984, quand sortent leurs mémoires, 120 ans de conneries, ils ne sont plus que 3, Gérard Filippelli, Jean Sarrus et Gérard Rinaldi. On les reverra en mars 88 sur la scène de l'Olympia, aux côtés d'Antoine, pour un baroud d'honneur en souvenir de leurs jeunes années et pour notre plus grand plaisir. Comme dit, mais je m'en fous, je gagne pas mal de radis. Quand j'irai dans mon Berry natal, m'achèterai tout plein de cheval et je planterai mes choux, pas pour vous, copains et moi. Je dis n'importe quoi, je fais tout ça comme dit. Je danse même la bourrée sur les ailes de Johnny. Que vous apporte mes bœufs, je mets les sabots que je veux. Je ferai mes vaches pour moi, pas pour vous, comprenez-moi. Solo, ouais, chauffe Marcel. Yeah, yeah. Et let's twist le bien, ça chauffe. Ah ouais, c'est bon là. Je suis un peu seul, je m'en vais voir la Marie. Je lui trouve son cotillon, elle me fait des gratouillons, elle me les fait à moi. Pas vous, comprenez-moi. Je dis n'importe quoi, je fais tout ce qu'on me dit. N'importe quoi, alors vraiment n'importe quoi d'ailleurs. Moi je fais des efforts, ce qu'on me dit. Mais ça d'abord le primo c'est de la musique de Pique-Nique. Ça chauffe, laisse les stagiaires, les copains, yeah, yeah. Ça c'est de la musique, sauf Marcel. Oh yeah. Reprise et tout, hein, ça pulse. Pas comme ça dit, un petit peu que t'as plus soif toi, hein. est juste à petit, quoi. Et t'en mourras pas, ouais. Et moi, je l'entraîneur qui me plaît, moi. J'ai même plus haut, tiens, je prends tout mon temps pour me peinter, ouais. Et ce qui m'attend chez moi, je sais, ouais, c'est Marie avec son sacré balai, là. Oh là là là là là. Encore la tigre, juste un petit balai, quoi. Hé, hey, Max, le Vietnam, la bombe, il faut noyer tout ça, mon vieux. Comme tu dis, la vie, c'est le gorgeon à 6 heures, et chacun sa tournée, pareil. Pas pour moi, dis. Et pour moi. Max. Hey, Max. Et pour moi, t'as toujours un verre dans les doigts, toi, hein. Hey, hey, Max. Hey, Max. En rentrant, t'as marché dans quoi, dis. Ça sent la... Hey, Max. Oh, je sais plus, moi, je... Comme j'ai dit. Hey, hey, Max. Hey, Max, t'as pas payé ta tournée. Et me quitte pas, dit. Bah non, qu'est-ce que t'avais là? Sortez-les enfin, quoi, monsieur. Hey, Max, arrêtez un peu tes bites, mon ami. Regardez pas, voyez pas dans quel état ils sont, non? C'est un peu l'entrée, mais... Stop! Plus de limonade! Stop! J'en ai plus! Stop! Plus de limonade, j'en ai plus! Radio Guémezo, au cœur de la musique des années 60. On a parlé d'amour et de violette, mais jamais d'amour et de bobiette. Pourtant je connais à Barcelone un hidalgo qui chante à sa bonne. Tous les jours à l'heure du dîner, ce chant d'amour vient gratiné. Qui est Paulette, Paulette, tu me tiens grâce à tes bobiettes. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupières, les paupières de haut. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupières. On a chanté les mirinettes, on n'a pas chanté les paupières. Pourtant je connais Place Wagram, un hidalgo qui chante à sa femme. Le soir à rentrant de l'usine, ce chant d'amour dans sa cuisine. Qui? Paulette, Paulette, tu me tiens grâce à tes paupières. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupières, les paupières. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupières. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupières. Les paupières. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupières. Olé! Bah alors Marcel. Eh bien quoi, qu'est-ce que vous incinérez? Je me suis enduit avec de l'erreur, et alors? Au contour de la télévision, répondre à la question, ses yeux sont belles, pistache, mais ses oreilles les gâchent. Pourtant, il aime avec passion. En se demandant, est-ce la fille ou est-ce un garçon, hein? Eh ben non, non, non, non, non, non. C'était un petit yo-yo. Et ben tu vois Marcel, c'est pas difficile. En taxant selon son devoir les stationnements prohibitoires. C'était Albert, le contractuel, qui croyait que sa vie était belle. Il oubliait que dans le ciel, les papillons bleus ont des ailes. Disait dur et sévère, mais son âme était noble et fière. À sa loi seul pouvait se soustraire les conducteurs des ministères. Albert, Albert. Dans toute la ville on connaissait sa silhouette et son carnet. En le voyant les chauffeurs disaient, c'est Albert, celui qui ne pardonne jamais. Albert, Albert. C'était Albert, le contractuel, qui croyait que sa vie était belle. Il oubliait que dans le ciel, les papillons bleus ont des ailes. Albert, Albert. Mais un jour, en dehors du service, lui qui ne buvait que de l'eau, pour un verre de trop de pastis, il fut écrasé par un vélo. Albert, Albert. Sur sa tombe on inscrivit, au milieu des fleurs en boutons, n'écoutez pas ce que l'on dit, ce n'était pas le roi des, le roi des. Albert, Albert. C'est pas on m'a dit quoi? Mais ça va pas, écoute, hein? Mais c'est une chanson, ouais. Chanson, pas, on s'en fout, hein? On s'en fout, on dit pas ça. On est pas là, ouais, on dit pas ça. Oh là là, là là, là. Moi j'ai même pas de voiture, j'ai un vélo, moi, hein? Un vélo, ouais, c'est tout ce que j'ai, hein? cloches. Midi. Sur la route de Penzac, gousse gousse l'Irak, gousse gousse l'Irak. Sur la route de Penzac, la joie éclate, il fait crac. Y'a les bourgeons qui bourgeonnent, les passants font ri-cui-cui. Et c'est la noce à Marivonne qui débouche du pays. Et la grand-mère souffle dans un midi. Et le grand elle fait ta pote de chenille. Et les mariés suivent bras dessus, bras dessus. En soupirant et en jolis yeux durs. À la Nigos, air dur, à la Nigos, à France. Oh, oh Marivonne, je te plaît dit. Mmh. Et moi, j'en mis tout du long, je te plaît dit. Oh. Ouais. Les cloches. Là, tu l'as. 2 heures. Merci. Et sur la route de Penzac, couscous l'Irak, couscous l'Irak. Sur la route de Penzac, pour calmer les estomacs. À l'auberge du Charboule, sous l'unique parasol. Voilà que le cidre coule dans les verres, dans les bols. La grand-mère souffle dans son midi. Et le grand-père siffle à coup de cidre doux. Et les mariés s'approchent au contre-jour. Et bientôt vont se mélanger les nus. À la Nigos, air à la Nigos, ah, ma jolie Marivonne, j'ai les tibias qui frissonnent. Clac, clac, clac, clac. Et moi, Jean-Louis Théodule, j'ai des fourmis dans les rotules. Les cloches, 8 heures. Et sur la route de Penzac, couscous l'Irak, couscous l'Irak. Sur la route de Penzac, les filles vont en zigzag. On danse la dérobée, les gars sont entreprenants. Et Canada s'est abîmée d'une autre vie vieille de 100 ans. La grand-mère suisse de son midi. Et le grand-papa rompe qui dort debout. Il vole dans le gilet de son époux. Soupir c'est bien pour jouer voir le vieux. À la négoce, dur à la négoce, apport. Eh, Jean-Louis Théodule, le slow m'a dit des merveilles. Tu verras Marivonne, il a des grandes oreilles. Les cloches, -5. L'heure exacte vous était offerte par les Charlots. Sur la route de Penzac, gousse gousse l'Irak, gousse gousse l'Irak. Sur la route de Penzac, la lune pose son bivouac. Elle éclaire les fougères, on voit un couple enlacé. Et soudain dans la nuit claire, monte un cri à tout casser. La grand-mère laisse tomber son milieu. Les grands-papas se réveillent et comprennent tout. L'année prochaine, je vous donne rendez-vous. Il y aura un petit breton de plus parmi nous. À la Nigos, à la Nigos, à quand. Pourquoi suis-je venu pour la partie instrumentale? À l'instant, c'était les Sunlight. Sur RGM, la musique s'écoute en deux versions. D'abord la version française avec Rocky Volcano, Belle Maman. Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, c'est un arbre tyran. Belle Maman, Belle Maman, elle ressemble à Satan. Belle Maman, Belle Maman, la vie est un enfer. Et je fais des prières pour qu'elle fiche le camp. Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, elle radote tout le temps. Belle Maman, Belle Maman, elle réclame de l'argent. Belle Maman, Belle Maman, j'y laisserai ma peau. Elle me rend gras marteau avec ses boniments. Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman. Belle Maman, à ce qui est surprenant. Belle Maman, Belle Maman, et même renversant. Belle Maman, Belle Maman, c'est que bien souvent malgré tout je lui pardonne, car grâce à elle j'ai la femme la plus mignonne, et je lui dois tant. Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman, Belle Maman. Hermie Cadeau, Mother in Law sur Radio Gemozo, la légende en version originale. To put me out, how could she stoop so low? Mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law. Thank you. Jean Vincent, les Shadows, les événements qui ont marqué l'année 1957 et Eddie Cochran, My Way, c'est maintenant, c'est sur Radio Game Ozo. Well, listen, pretty baby, let's go out tonight. Tell your mama not to worry, everything's gonna be alright. Don't let me hear you talking, just be there when I go. It's what I do my way, or it won't be done at all. Oh, little girl, better hear what I say. Yeah, I'm an easygoing guy, but I always gotta have my way. I was born a tiger, I always had my way. Nobody's gonna change me, this or any other day. Don't let me hear you argue, when I say fuck your job. Cause a woman ain't been born yet that can play me for a charm. Whoa, little girl, better hear what I say. Yeah, I'm an easygoing guy, but I always gotta have my way. Don't ask me for no reason, don't ever wonder why. When I walk away and leave you, I don't want to see you cry. Now I've done a lot of planning, got a lot of things to do. So don't give me no trouble, or you and I are through. Oh, little girl, better hear what I say. Yeah, I'm an easygoing guy, but I've always got a hand. And this chante et joue Jailhouse Rock. Serpent de mer historique, le projet de tunnel sous la Manche refait son apparition. Federico Fellini met en scène sa femme Giulietta Massina dans Les Nuits de Cabiria. Connais bien dans les bras. Jean Cocteau inaugure sa chapelle à Villefranche-sur-Mer. Et les mamans enduisent leurs enfants de Vicks Vaporub. Dans ses bras. Voilà. Polanka immortalise Diana et le four devient auto-nettoyant. Le traité de Rome est signé à Rome. C'est encore un pas vers l'Europe. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, la Sarre est rattachée à l'Allemagne. Avoir 20 ans du lendemain, plein de et la Gacan disparaît. Guy Laroche présente sa première collection. Porte des lilas à sort. Sitcharis est la belle de Moscou aux côtés de Fred Astaire. Et pour la cinquième fois, Fangio est champion du monde de F1. Thank you. You my man, you the man, love, you my man. But don't you do me wrong. Well, now Johnny walked down to the barroom. He said, man, I sure am dry. He said, give me some of that joy juice so I can drink it with Nelly Bly. He was her man, but had done her wrong. Well, then Frankie walked into the barroom. Well, she took her that long 44. She got her man, 'cause he was doing her wrong, so wrong, poor Johnny. Well, she took that long 44 and rooted it too. And that the gal did you through that hard boat swinging door. Well, she got her man, 'cause he was doing her wrong, so wrong. Well, Frankie sits down in the jailhouse. She down on bended knee. She said, hey, hey, Mr. Jailer, tell me what you gonna do to me. He was my man, but had done me wrong, so wrong. He was my man, but had done her wrong, so wrong. Jean Vincent, Frankie N. Johnny, un titre que Johnny Hallyday d'ailleurs prendra sur son album Les Rocks les plus terribles en 1964. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les femmes, et si bien entendu elles nous laissaient le temps de parler. Jocelyne, les garçons, le temps pour vous mesdames de méditer cet adage. Yeah. Salut les 60, le plein de nostalgie sur Radio Gemozo. J'ai plus de complexe, j'ai confiance en moi. Noyé dans la tendresse, je crois en toi. Oh, parce que soudain, oh, soudain tu es. Et tu dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Et alors pour moi c'est le jour J, un J comme joie. Oh, c'est le jour J, oh, un jour qui me bat. C'est le jour J, oh, un jour plein de vie. Quand tu dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Oh, pour moi c'est le jour J. Si je t'accompagne un dimanche mai en pleine campagne, loin des indiscrets, oh, c'est finalement au dernier moment. Tu m'as dit oui, dis oui, dis oui, dis oui. Oh, pour moi c'est le jour J. C'est le jour J, un J comme joie. C'est le jour J, yeah, un jour qui me bat. C'est le jour J, yeah, un jour plein de vie. Quand tu dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Oh, pour moi c'est le jour J. Quand tu dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Oh, pour moi c'est le jour J. Quand tu dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Oh, pour moi c'est le jour J. Les chats sauvages, c'est le jour J, c'est le rage, c'est le moment de se quitter. Mais si vous voulez réécouter l'émission, vous avez plusieurs possibilités. Tous les jours de la semaine, en allant sur gemozo.eu en minuscule et sans accent, dans la rubrique « Salut les 60 ». Vous avez également le dimanche matin entre 10h et midi. En tout cas, salut les 60, merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve lundi prochain dès 15h pour une nouvelle émission. Excellente semaine sur Radio Gemozo. Salut à tous, bye bye. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V. some more. Well, away you start.